Les saints innocents, que je porte d'envie à la troupe innocente de ceux qui, massacrés d'une main violente, virent dès le matin leur beau jour raccourci. Le fer qui les tua leur donna cette grâce que si de faire bien ils n'eurent pas l'espace, ils n'eurent pas le temps de faire mal aussi. Ce furent de beaux lys qui, mieux que la nature, mêlant à leur blancheur l'incarnate peinture que tira de leur sein le couteau criminel, avant que d'un hiver la tempête et l'orage à leur teint délicat pût se faire dommage, s'en allèrent fleurir aux printemps éternels. Ces enfants bienheureux, créatures parfaites, sans l'imperfection de leur bouche muette, ayant Dieu dans le cœur, ne le purent louer. Mais leur sang leur en fut un témoin véritable. Et moi, pouvant parler, j'ai parlé, misérable, pour lui faire vergogne et le désavouer. Le peu qu'ils ont vécu leur fut grand avantage, et le trop que je vis ne me fait que dommage, cruelle occasion du souci qui me nuit. Quand j'avais de ma foi l'innocence première, si la nuit de ma mort m'eût privé de lumière, je n'aurais pas la peur d'une immortelle nuit.